que tant on entend souvent parler de, bon, que ce soit d'entité moroncielle, on parle de fusion avec le double éthérique, mais pour parvenir à ça, l'individu souvent arrive à une conscience où il doit, bon, pas nécessairement droit, mais il arrive à une conscience où il perçoit des choses qui ne relèvent pas du plan planétaire. Puis ces choses-là, souvent on peut le relier à ce qu'on appelle le dragon, ce qui a été par le passé Merlin, mais qu'aujourd'hui peut porter un autre nom. Ça peut être par exemple soit des faisceaux extraterrestres, mais ce n'est pas clair. Est-ce que tu peux clarifier exactement qu'est-ce que c'est que le dragon? Clarifie-le. Bon, le dragon, évidemment, c'est un mot spirituel, c'est un mot ésotérique qui provient de l'occulte, c'est-à-dire c'est un mot qui provient d'occultatis, qui tend à voiler les choses au commun des mortels. Le dragon fait partie du langage d'oiseau, c'est une énergie qui existe dans tout l'univers, qui existe dans toutes les structures de création. C'est une énergie qui est présentement plus résiduelle que dans le passé. C'est une énergie qui provient de la matrice qui a permis la gestation des étoiles et des planètes. C'est une énergie qu'on reconnaît encore aujourd'hui, qu'on est capable de capter avec des radiotélescopes, avec aussi des espèces de pièges à neutrinos. C'est une énergie qui est une trame cosmique, c'est une énergie qui a permis la gestation d'une dimension qu'on appelle l'énergie, d'une dimension qu'on appelle le temps, d'une dimension qu'on appelle la hauteur et des autres qu'on appelle aussi la profondeur et la largeur. C'est une énergie qui est présente partout dans l'univers, c'est une énergie qui est présente à l'intérieur des atomes, c'est une énergie qui est présente à l'intérieur de la mémoire qui structure les molécules, qui va structurer les corps, qui va structurer les formes. Lorsque l'on parle du dragon, on parle non pas d'une énergie intimement planétaire, on parle d'une énergie qui est totalement cosmique, sauf que dans le voisinage de masses importantes comme celle des planètes ou des soleils, il y a beaucoup plus de présence de cette énergie, elle est concentrée dans le système atomique, donc il y aurait, si on veut ésotériser, plus d'énergie du dragon. Alors, l'être humain est beaucoup plus près du dragon sur une planète. L'être humain est beaucoup plus près du dragon s'il vit sur le bord de la mer que sur une montagne. L'être humain est plus près du dragon s'il vit sous terre. Alors, plus l'être humain peut descendre profondément vers le centre de gravité planétaire, plus se rapproche de l'énergie du dragon. Alors, on pourra aussi dire dans l'ésotérisme que le dragon dort sous la terre et qu'on peut aussi le faire surgir. D'accord, mais cette énergie-là ne semble pas accessible à tous les humains, parce que par le passé, c'était souvent une personne qui était beaucoup plus en contact et qui faisait prévaloir un peu les services de cette énergie-là au peuple. Mais aujourd'hui, elle semble un peu plus accessible. Est-ce que c'est simplement parce qu'à ce moment-là, il y avait moins d'intelligence qui était gérée par les humains? Non, c'est simplement parce que le vocabulaire a changé, ainsi que la vision de conscience. Le dragon, présentement, est totalement asservi par la science nucléaire, par la science physique nucléaire, par la fission comme la fusion. Présentement, on travaille un peu partout sur la planète. Les Japonais ont un petit peu d'avance sur cette étude sur la fission à froid, la fusion à froid. Et le dragon sert énormément. On s'en sert présentement dans les hôpitaux, on s'en sert dans les milieux militaires, on s'en sert dans les milieux astronomiques, oui. Et on ne l'appelle pas le dragon, on a changé les mots pour la simple raison qu'il y a eu un temps où lorsqu'on s'adresser à l'humain, c'est comme aujourd'hui d'ailleurs, on doit employer un vocabulaire qui est adapté à l'humain. Sinon, l'humain n'arrive pas à faire de parallèle entre ce qu'il a appris dans le passé, entre ce qu'il conçoit de ce qu'il est et des choses neuves qu'on veut lui amener. Alors, on va donc paraboliser, on va donner des noms qui permettent à l'individu de comprendre. Si on prend le feu nucléaire et qu'on crée une explosion thermonucléaire, nécessairement ça brûle. Alors, on parlera du feu du dragon. Mythiquement, le dragon était l'animal le plus représentatif de l'énergie nucléaire. Alors que, quand je parle du dragon, ce n'est pas uniquement de l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire est une révélation de l'énergie du dragon, donc de cette énergie ou de cette dimension cosmique qui existe partout dans la création. Lorsque l'on parle du dragon, on parle d'une force incommensurable présente partout, si on parle du dragon de Merlin, qui gère les phénomènes terrestres, qui gère même le soleil, qui a la capacité de brûler et de totalement désintégrer des choses, de la matière, des humains évidemment, et qui a la capacité d'éclairer des villes, de réchauffer, qui a la capacité de faire plusieurs choses. On parle de cette force qui est à l'état latente dans la matière et qui peut être libérée aussi par une fusion ou une fission nucléaire. Alors, lorsque l'on parle du dragon, dans le passé, on parle de certaines choses qui aujourd'hui sont extrêmement utiles à l'humain, sauf que c'est l'apanage surtout des philosophes astrophysiciens ou des chercheurs en physique nucléaire. OK, mais eux ne se servent, ils se servent de cette énergie-là, mais pas d'une manière consciente au niveau ésotérique, par exemple. Non, non, ils n'ont pas la conscience de la matière ou de l'énergie qu'ils se servent, mais ils sont conscients qu'ils s'en servent. OK, mais l'être humain qui n'est pas astrophysicien, qui n'est pas scientifique, mais qui perçoit cette énergie-là, comment peut-il l'utiliser? Il doit l'utiliser. Il y a deux façons d'aborder des mécaniques. Premièrement, si on n'a pas, et je suggère souvent aux personnes de lire un peu d'astrophysique, ça expand la conscience, même si on ne comprend pas tout. On peut lire aussi de la médecine, on peut lire différentes choses. Ça donne du vocabulaire à la langue, ça donne de l'énergie, ça permet aussi de créer des concepts dans lesquels on pourra entreposer de l'énergie qui, un jour, sera libérée du concept, de la forme, et nous servira encore un peu plus à l'énergification. Lorsque l'être humain veut entreprendre le contrôle ou encore l'association, l'alliance avec une énergie, il doit procéder du côté cartésien ou du côté intuitif, c'est-à-dire qu'il peut être un scientifique et travailler intimement avec les connaissances scientifiques de l'époque à contrôler une chose. On parle de la mécanique énergétique ou de la mécanique supra-énergétique, celle qui devrait porter le nom du dragon. Il y a donc cette façon de connaître l'astrophysique, de connaître la physique des particules, d'avoir des accélérateurs de particules, d'avoir des pièges à neutrinos, d'avoir des télescopes particuliers qui permettent à l'homme de voir ce que les yeux ne voient pas. Il y a donc cette science qui peut nous permettre de connaître ce dragon. Et il y a aussi l'autre façon, celle que l'ésotérisme a développée, celle de l'intuition. Mais celle-là, nécessairement, doit obliger les intellects à réassocier leur structure de recherche, leur structure de chercheur, d'une façon plus ésotérique, c'est-à-dire d'une façon plus intuitive, plus reliée au langage d'oiseau. Cela veut dire que l'être humain qui veut parvenir par la magie, donc par l'intuition, à connaître le dragon, doit nécessairement être capable de supporter un vocabulaire qui est beaucoup plus abstrait, un vocabulaire qui ne peut pas se prouver, un vocabulaire qui annonce des choses qui peuvent être senties, mais qui ne peuvent pas être mesurées. Alors, on aura donc les deux facettes. On a la facette de la vision intuitive qui pourra être juxtaposée à la vision cartésienne. Alors, on peut parler d'une force du dragon, par exemple, qui, c'est comme tu te promènes dans une forêt, tu perçois dans un territoire, disons, comme on a en Union soviétique, c'est là qu'il y en a le plus, tu perçois quelque chose de particulier, alors tu pourras dire à quelqu'un, à un savant, là, il y a une narine du dragon. Et tous les ésotéristes vont comprendre ce que tu veux dire. Ils vont savoir qu'il y a un danger de recevoir le souffle du dragon, il y a un danger d'être brûlé par le feu du dragon, qu'il y a des possibilités de se servir du dragon dans cette narine, qu'il y a... Alors, chaque ésotériste sera à un moment donné capable, par des voies différentes de la science, de contrôler cette narine du dragon. Alors qu'au niveau scientifique, le savant va trouver un peu ridicule ton vocabulaire, il va trouver que tu es un peu perdu, et eux, ils vont faire des recherches un peu partout, et subitement, ils vont découvrir peut-être une mine d'uranium. Bon, alors là, évidemment, ils vont balayer du revers de la main toutes tes stupidités, et ils vont commencer à ramasser l'énergie dans la mine d'uranium, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être exploiter l'uranium, en réalité de l'oxyde d'uranium plus souvent qu'autrement, et ils vont peut-être le mettre dans des accélérateurs ou encore dans des transformateurs d'uranium. Ils vont les placer dans des fours à uranium, dans des espèces d'appareils pour en faire du plutonium, pour en faire du einsteinium, du californium, etc. Ils vont être capables de se servir de cette énergie, pas nécessairement pour faire la même chose que les magiciens. C'est-à-dire que le magicien peut-être pourra s'en servir pour contrecarrer des sorts. C'est-à-dire qu'il se servira d'une énergie qui n'est pas celle du rayonnement ionisant, donc qui est la radioactivité elle-même, mais d'une énergie qui est dégagée par la narine du dragon, donc peut-être la mine d'uranium. Et il s'en servira dans l'éther, donc dans l'énergie vitale. L'uranium, tout ce qui est radioactif, est extrêmement près du plan vital. Et dans dans toute forme de matière, nécessairement dans l'uranium aussi, il y en a plus dans les métaux, plus ils sont compacts, plus il y en a, plus leur masse est grande, plus il y en a. L'uranium étant beaucoup plus pesant que le plomb et que l'or et que les autres métaux, nécessairement, on en retrouvera beaucoup. Il y a beaucoup d'énergie vitale. Le magicien va se servir de l'énergie vitale, à même la narine du dragon, et le savant, lui, va carrément détruire la narine du dragon, c'est-à-dire qu'il va exploiter la mine d'uranium pour se servir uniquement du rayonnement ionisant, donc de la radioactivité de l'uranium. Est-ce que l'homme peut épuiser cette réserve d'énergie-là du dragon? Si le magicien se sert de l'énergie du dragon, Il ne peut pas l'épuiser. C'est-à-dire qu'il peut l'épuiser, mais ça va prendre plusieurs millions d'années. Si le savant se sert de la mine d'uranium, lui pourra l'épuiser assez rapidement. Et est-ce que, par exemple, le magicien, est-ce qu'il peut faire quelque chose qui peut venir un peu contrecarrer la perte d'énergie que le scientifique peut faire? Pas tellement. Pourquoi? Parce que le scientifique, lui, va ramasser l'uranium, il va s'en servir pour faire certaines choses, et par la suite, il aura des déchets nucléaires. Les déchets nucléaires sont toujours radioactifs, donc finalement, c'est toujours utilisable, mais ils n'ont pas la même puissance ou la même ordre de radioactivité. Et ils se sont dégradés du point de vue de leur masse, sauf qu'il y a encore énormément d'énergie vitale utilisable par le magicien. Mais parce que la mine, qui est une concentration d'énergie vitale d'uranium, exemple, parce que la mine aura été exploitée, l'énergie, donc la matière uranium, aura été dispersée sur la planète un peu partout, ce qui fait que du point de vue de la concentration de la densité, ce n'est pas suffisant. Le magicien qui se sert d'un territoire du dragon ne touche pas au territoire. Ce qui fait que la concentration reste là la même. Parce que le savant, si on regarde des déchets radioactifs, avant que l'uranium devienne du plomb, par sa dégradation, l'uranium devient du plomb, ça prend des milliers, sinon des millions d'années. Bon, il passe par un paquet de phases. Lorsque le savant détruit l'uranium, avant d'en épuiser réellement l'énergie, cela va prendre énormément d'années. Sauf que du point de vue de ce que la science se sert dans l'uranium, c'est rapidement épuisé. Tantôt, tu parlais du territoire du dragon. Est-ce qu'il y a un espace défini ou est-ce qu'il y a des endroits particuliers où on peut avoir plus d'énergie du dragon? Ben oui, évidemment. Toutes les mines sont des endroits où le dragon s'exprime, c'est-à-dire là où il y a des concentrations particulières de métaux. Plus c'est radioactif, plus c'est puissamment dragon. Et là où on aura, par exemple, lorsqu'un magicien peut parler d'un volcan, il va encore parler du dragon. Okay. Alors, il parlera du souffle, il parlera du feu, il parlera de ceci, il parlera de cela. Le magicien sera capable de se servir du volcan pour se réchauffer, pour alimenter des appareils assez mystérieux à la Dr. Frankenstein qu'il peut bâtir. Quand je parle de mystérieux, c'est toujours du point de vue de ceux qui ne comprennent pas la science du magicien. Et il peut se servir de cette énergie longtemps. Si on prend des exemples dans Jules Verne avec un des savants qui fabrique le premier sous-marin, le Nautilus, il va vivre sous un volcan, dans un île, et il se sert de la chaleur. Bref, il est réellement magicien. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est un magicien plus cartésien, mais il sera capable d'appliquer la force du dragon sans détruire le dragon. Alors que la science ordinaire préfère étudier dans son laboratoire, et plus souvent qu'autrement, elle va tout détruire pour amener, pour récupérer, pour s'en servir dans un escient qui est de l'immédiat terme, plus souvent, ou disons du court terme, directement adapté à ce que l'humain recherche du point de vue de son astralité, c'est-à-dire du point de vue de ses désirs, mais jamais du point de vue de ce que la force pourrait lui amener un jour. Rares sont les savants qui vont étudier ce qu'une chose peut leur apporter. La majorité des savants étudient ce que la chose, comment on peut transformer la chose pour qu'elle vienne supporter ce que nous avons déjà besoin. Alors, nécessairement, cela nuit. Pourquoi? Parce que toutes les forces sont toujours canalisées dans une direction qui est déjà archétypée, qui provient du passé. Et jamais une force nouvelle, jamais la science ne lui laisse la possibilité de nous indiquer le chemin que l'on devrait prendre pour la rejoindre. Alors, on la détruit pour qu'elle nous rejoigne dans ce que l'on vit, dans ce qu'on a besoin, plutôt que de nous transformer certaines visions ou certaines choses pour rejoindre la force. Est-ce que ça veut dire, par exemple, le cheminement évolutif que chacun suit, est-ce qu'il doit, par exemple, parvenir à être ce qu'on appelle un magicien? Parce que finalement, le magicien, on a souvent mis ça dans un rôle ou un titre précis qui fait qu'on ne sent pas nécessairement qu'on peut devenir éventuellement magicien. Mais par contre, ce terme-là a été englobé d'une certaine manière par le passé, mais peut être vu différemment maintenant. Oui, sauf que le terme magicien reste un terme un peu problématique. Le terme guerrier est peut-être encore beaucoup plus évident, ou le terme chevalier est plus précis du point de vue de la forme, parce que l'être humain doit devenir un magicien chevalier. Et encore là, ça peut être pénible. Pourquoi? Parce que beaucoup d'égos vont penser à magicien nécessairement à mixture, potion, gros chaudron avec des ébullitions, baffe de crapaud et tout le tralala, alors que ce n'est pas cela. Si on considère le guerrier, plusieurs verront là immédiatement les armes laser, les armes à feu, les épées. Et ce n'est pas cela non plus. Si on parle du chevalier, on verra peut-être monture. Mais ce n'est pas cela non plus. Mais c'est en même temps tous ces trois paramètres. Mm-hmm. Alors, l'individu qui est magicien fonctionne par l'intuition, c'est-à-dire que par sa présence, il devient le creuset qui va obliger la structuration d'une matrice, qui va contrôler de l'énergie. Mais il n'a pas eu besoin de faire des pactes techniques avec quoi que ce soit. Le guerrier supramental est un être humain qui gagne tous ses combats pour la simple raison que tout ce qui est belligérant n'ose pas parce qu'il ne peut pas l'attaquer. Donc, le guerrier supramental n'a jamais besoin de se battre. Et lorsqu'on parle de chevalerie planétaire, on parle de la capacité que peuvent avoir des êtres humains. J'ai déjà expliqué la mécanique de la chevalerie planétaire en ce qui concernait la veuve et l'orphelin, qui sont des, en langage d'oiseau, des mécaniques énergétiques humaines et non pas une mécanique biologique, reliée au fils de Caïn et au fils de Seth, entre autres. Mais la chevalerie planétaire, c'est la capacité qu'auraient les individus de se réunir. Un chevalier est un être humain qui garde sa conscience. Un vrai chevalier, même dans le passé, c'est un être humain qui défend une vision plus écologique que la moyenne. Et ce n'est pas un soldat. C'est un être humain qui garde sa conscience et qui, de temps en temps, sera capable de mettre son épée au service de quelqu'un d'autre. Mettre son épée, il peut devenir un héros, c'est-à-dire défendre l'honneur de quelqu'un. Il peut mettre son épée au service d'un roi. Il peut mettre son épée au service d'une cause. Cela veut dire que lui, il a une vision d'un monde et il placera son épée. L'épée est le symbole de l'homme contrôlant les énergies spirituelles. Il placera la croix et l'inverse de l'épée, c'est l'énergie spirituelle contrôlant l'homme. Il placera donc son épée, c'est-à-dire toutes les forces qui l'animent au service de quelque chose. Alors, si on rencontre 20 chevaliers, les 20 chevaliers seront un groupe, sauf qu'à l'instant où une vision particulière sera dissociante, c'est-à-dire qu'il y aura 15 chevaliers qui décideront d'aller à gauche, il y a 5 chevaliers qui voudront aller à droite, il n'y a aucun des chevaliers qui voudra forcer l'autre à les suivre. Ils se sépareront simplement. Et c'est l'apanage du chevalier que de souvent faire des quêtes en groupe, de finir les quêtes en solitaire, de se retrouver 10 ans, peut-être plus tard, et d'aimer se retrouver, mais le chevalier reste un être humain qui reste autonome, solitaire. Quand on parle de chevalerie planétaire, on parle donc de cette mécanique qui devrait normalement relier. On a eu des Templiers qui étaient des chevaliers, mais qui étaient des moines chevaliers. En réalité, l'être humain devrait être un intuitif supramental chevalier. On pourrait donc dire un magicien chevalier. Mais le mot magicien est encore un peu problématique, comme le mot moine est problématique. Il peut devenir un guerrier chevalier. Un guerrier, c'est quelqu'un qui a la capacité de mettre son énergie au service d'une cause. Sauf que quand on parle de guerrier supramental, cela veut dire que la cause sera l'intelligence. Mais dans l'intelligence, il n'y a pas cette idée de se battre sans arrêt. Par exemple, de faire du terrorisme ou de se faire une armée pour entrer, pour conquérir. Par contre, dans l'intelligence, il y a l'évidence de la défense. Sauf que dans la chevalerie, celui qui a la capacité d'allier l'élément du guerrier et l'élément du magicien, celui qui devient ce magicien, guerrier, chevalier, on parle toujours au niveau planétaire, donc au niveau supramental, parce qu'une chevalerie planétaire ne peut exister s'il n'y a pas d'intelligence. Pourquoi? Parce qu'aucun être humain n'a la capacité dans l'astral d'être au-delà du racisme, d'être au-delà des voies politiques, d'être au-delà des limitations qui sont déterminées par les frontières. Pour être dans une chevalerie planétaire, il faut nécessairement que l'humain soit extrêmement spirituel, mais s'il est extrêmement spirituel, il n'est pas nécessairement guerrier, ou qu'il soit extrêmement intelligent. Quand on parle de guerrier supramental, quand on parle de magicien chevalier, on a une meilleure idée dans la forme, c'est-à-dire dans le mot, et c'est important, si on ne veut pas être des scientifiques, de se servir de ces concepts pour être capable de canaliser la même énergie que la science, mais dans des vecteurs totalement différents qui vont servir beaucoup plus l'humain. Autre chose. On a des personnes qui ont la capacité de se guérir d'un cancer parce qu'ils ont, inconsciemment pour la majorité, à un moment donné ou à un autre, canalisé de l'énergie du dragon. Et de temps en temps, la science essaiera avec de la radiothérapie de faire la même chose. Mais est-ce que c'est l'énergie du dragon qui amène l'individu à être un magicien, guerrier, chevalier, ou si c'est celui-là qui peut maîtriser l'énergie du dragon? C'est l'inverse. Ça part d'en haut, ça ne part pas d'en bas. OK. Mais les individus qui, actuellement, peuvent débuter à percevoir cette énergie-là, mais le seul mot qui vient, c'est du dragon encore, mais il y a quand même un autre mot qui peut y être associé, parce que souvent, si on commence à percevoir l'énergie du dragon, on peut commencer aussi à percevoir l'entité moronciel, ou du moins à sentir le rapprochement. Donc, cette énergie-là, elle est déjà accessible? Ou si elle est simplement présente, mais elle n'est pas encore accessible? Ça n'a rien à voir. Elle est présente et pour certains individus, elle sera accessible. Mais comment l'individu doit faire pour pouvoir... De toute façon, s'il n'y a pas de raison encore qu'elle soit accessible, elle ne sera pas accessible. Et voilà. OK. Mais est-ce que cette énergie-là va permettre à un individu... Le fait qu'elle soit présente, est-ce qu'elle peut permettre à un individu de se centrer sur lui-même? Parce que pour devenir magicien, guerrier, chevalier, il faut être centré sur soi-même. C'est évident. La problématique, quand on parle de, au niveau intuitif, c'est qu'on doit développer des formes pour que les individus acceptent de transposer cette forme dans leur ego, dans le réceptacle d'énergie, pour que l'individu puisse par la suite cumuler de l'énergie qu'il ne pourrait entreposer nulle part s'il n'aurait pas le concept, pour qu'un jour, le concept éclatant, l'énergie lui serve à créer son corps de lumière. La problématique, c'est que donc, on doit régulièrement, dans la mécanique institutionnelle, développer des concepts, développer des formes qui font référence à quelque chose de similaire à la spiritualité, mais qu'on appelle plus justement ésotérique ou d'initié. Maintenant, le problème de cette mécanique, c'est que l'humain égoïque a une grande tendance à adorer le contenant et à ne pas se servir du contenu. Donc, si, à un moment donné, la science n'a à peu près pas ce problème, sauf que la science fonctionne d'une façon beaucoup plus limitative. Elle est beaucoup plus limitée, quoique son résultat semble meilleur. Pourquoi? Parce que jamais, ou presque jamais, les individus qui travaillent dans la science ne finissent par adorer l'éprouvette. Ils travaillent toujours avec ce qu'il y a dedans. Ah, ils sont intéressés par l'éprouvette. Ça contient ce qu'ils peuvent mettre dedans. Mais ils travaillent avec ce qu'il y a à l'intérieur. La science fait la même chose. Elle va passer énormément d'années à créer des contenants. Un réacteur nucléaire en est un. Mais ce qui les intéresse n'est pas le contenant, c'est ce qui va se passer à l'intérieur. N'empêche, le contenant est extraordinairement important. Sans le contenant, ils ne peuvent pas continuer. Dans l'intuition, c'est la même chose. On doit développer des contenants. Mais l'être humain a une grosse tendance à s'associer au contenant. Je dis que lorsqu'un être humain rencontre son entité moroncielle, lorsqu'un être humain reçoit une réincarnation d'agglomérat spirituel, lorsqu'un être humain rejette la particule anti-homme à l'extérieur, lorsqu'un être humain rencontre des mécaniques supramentales extraterrestres, alors pour que l'humain comprenne ce qui doit se passer, on doit phraséologiser les choses, mettre des mots. Alors on va dire, par exemple, tu te promènes dans la forêt et à un moment donné, il y a de la lumière qui apparaît autour de toi. Alors, l'être humain spirituel, celui qui se fait accrocher par le contenant, mais jamais par le contenu, va dans la forêt espérant rencontrer de la lumière. À un moment donné, il a l'impression que quelque chose change. Alors, son intellect lui dit, écoute bien là. Il cligne les yeux un peu, regarde comme il faut. Non, il n'y a pas de lumière. Alors qu'il y avait de la lumière, mais ce n'est pas de la lumière photonique. C'est de l'énergie. De l'énergie qui est capable d'irradier certains neurones dans le cerveau, et cela va engendrer une perception neuronique, donc cérébrale, d'une intensité lumineuse. Mais si l'individu s'intellectualise et se sert de son corps physique, pour mieux voir, il ne voit plus rien. Alors, il se dit déjà, tu vois, ça c'est juste des conneries qu'on compte. Alors qu'au niveau de la science, si on te parle de lumière, s'il y a de la lumière, tu n'auras plus d'œil après pour voir. Si on te parle d'une explosion nucléaire, puis on dit, regarde-la pas, si tu la regardes, tu n'en regarderas plus d'autres. Mais la problématique, c'est que tu n'auras pas une efficacité évolutive. La science, elle prouve surtout sa puissance dans la destruction. Alors que la magie ou l'intuition prouve sa puissance dans la création. Et nécessairement, tout ce qui est destructif est beaucoup plus facilement acquérissable. On peut l'acquérir rapidement. Alors que ce qui est constructif est plus pénible. Pourquoi? Parce que dans la structuration évolutive des contextes froids, comme l'est la planète Terre, tout tend vers la dégradation. Alors, nécessairement, si on prend une science qui va vers la dégradation, on marche déjà dans le sens du courant. Si on travaille vers la restructuration, vers la création, on va contre le courant. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si tu vas à 5 km à l'heure en descendant, le courant va à 5 km à l'heure, tu détruis à 10 km à l'heure. Si tu montes à 5 km à l'heure pour créer, le courant descendant à 5 km à l'heure, tout le monde pourra dire « tu es stable, tu ne fais rien ». Tu ne détruis pas et tu ne bâtis pas, mais tu vas à la même vitesse que la science. Sauf que c'est à zéro. Alors, l'être humain qui est dans le contexte spirituel doit avoir un peu plus d'énergie pour commencer à grimper. C'est-à-dire qu'il doit monter à 6 km à l'heure. Alors, tout le monde dira, toi, la science va à 10, toi, tu vas à 1. Oui, mais on va à la même vitesse tous les deux, sauf qu'en réalité, l'intuitif va 1 km plus vite que la science. Mais dans le sens opposé. Alors, si on s'attaque au feu nucléaire, on s'attaque aux explosifs, on s'attaque à tout, à tout. La science évolue beaucoup plus vite dans les structures militaires. Par la suite, des années 20, 30, 40, 50 ans plus tard, certains personnages arriveront à l'ajuster pour aider l'humain qui n'est pas guerrier. Mais ça se développe à une vitesse folle dans la destruction, très lentement dans la création. Mais comment on fait pour augmenter cette vitesse-là dans la construction? On doit simplement s'énergifier, on doit travailler avec les paramètres que déjà vous connaissez tous, on doit travailler avec la négoïsation, mais on doit surtout être capable, un jour, de comprendre ce que c'est que la forme, sans attacher de valeur émotive à la forme pour ne pas la spiritualiser. On doit être capable de rester totalement scientifique à travers des formes qui, elles, proviennent de concepts ou de perceptions intuitives. Donc, tu verras de la lumière. Par la suite, il y aura un corps, un être qui va apparaître devant toi, et ce sera probablement une entité morontielle. Ils peuvent être deux, trois ou quatre. Bon, alors la personne raconte ce qui lui est arrivé, et ces êtres dansaient autour de moi. Et à un moment donné, elles se sont frappées tous ensemble, et là, ça a éclaté, elles ont disparu. Par la suite, j'ai senti que c'était disparu, mais que c'était en train de se restructurer à l'intérieur de moi. Alors, la personne qui entend ça, qui recherche un contact avec une entité morontielle, elle se garoche dans le bois, et là, elle cherche la lumière la nuit, et puis là, elle essaie de voir les entités en question, puis là, elle essaie de... Mais elle n'a rien compris. On ne parle pas de ce que le cartésien peut voir, et le cartésien fonctionne uniquement à partir des sens physiques. Là, on te parlait en langage intuitif, et le langage intuitif ne fait référence qu'au sens vitalique. Alors, notre personnage, il est là, il essaie de voir avec ses yeux, il essaie d'entendre, il essaie de goûter, il essaie de percevoir endocrinalement. Et finalement, tout ce que tu as compté, c'est de la foutaise, ou encore, je dois être loin d'être là. Alors que non. Bon, à un moment donné, on a pratiqué une vision vitale, où les individus étaient appelés à voir des entités dans la forêt. Il y en a qui font des grimaces, il y en a qui sautent, c'est plein. C'est une vraie farce, comme ici, il y en a plein présentement. Il y en a qui volent, il y en a qui sont assis, il y en a, bon. C'est plein. Sauf que la personne qui essaie de voir ça avec le côté cartésien, donc en se servant uniquement de son corps physique, elle ne pourra rien voir. En même temps, peut-être qu'elle perçoit, puis ça disparaît lorsqu'elle veut vérifier physiquement, et elle parlera d'imagination. C'est comme de dire, je prends des lunettes qui nous permettent de voir l'infrarouge, ce que l'œil ne voit pas, et chaque fois que je vois quelque chose, je me dis, crème, j'ai une lunette. Ah, il me semblait aussi, c'est mes maudites lunettes. Eh oui, c'est sûr que c'est tes maudites lunettes. Mais ce que tes lunettes te permettent de voir existe. Mais chaque fois que tu vois, tu te dis, « Mais non, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est pourri, ça. » C'est pas vrai. Et c'est ce qui arrive quand l'intuitif commence à s'approcher d'une vision que le corps ne peut pas voir, de son, de toucher, de perception complète que le corps ne peut pas concevoir et structurer. Et à chaque fois qu'il pense voir, alors, il élimine cela, puis il veut vérifier que son corps physique, et nécessairement, il perd tout. Donc, le danger, c'est la spiritualisation. Pourquoi? Parce que l'être humain va finir par centrer uniquement dans sa perception intuitive, son évolution d'homme nouveau, de femme nouvelle ou d'enfant nouveau. Et la problématique, c'est que le maître de l'intuition chez l'humain, c'est l'astral. C'est-à-dire que l'intuition est un facteur, est une mécanique très peu développée chez l'humain. Parce que c'est très peu développé chez l'humain, l'humain n'a pas encore la capacité dans sa conscience de discerner. Entre une intuition qui est une lecture de sens vitalique en relation avec un monde vital, entre une lecture du plan astral en relation avec le monde astral, d'une information provenant du monde astral dans son plan astral ou dans son plan vital. C'est-à-dire que je dois me fier à ce que moi, en tant que structure énergétique, je perçois, mais je ne peux me fier à ce que moi, en tant qu'être humain ascendant, je reçois comme information du monde astral. Alors, on va me dire, l'autre côté, là, il y a ceci. Ça, je n'ai rien à foutre. Moi, je veux percevoir ce qu'il y a de l'autre côté. Alors, dans les deux cas, c'est un peu la même chose. C'est comme je peux voir avec mes yeux, mais je peux aussi... ou encore, j'entends avec mes oreilles, et je veux entendre ce qu'il y a le bord d'un mur. Mais tout ce que j'entends, c'est quelqu'un qui me dit, « Ah, oh, c'est un cheval qui gueule, qui est le bord du mur. » Alors, je peux me dire, « Ah, je sais ce qu'il y a, mais je ne l'ai jamais entendu. » Alors, on peut dire, « Oui, mais ça reste de l'oreille, c'est ça. » On a de l'information astrale qui, elle, on ne peut y faire confiance, et on a une perception astrale qui, elle, est totalement réelle. Mais c'est... pour parvenir, par exemple, à voir la différence entre les deux? Quel est le processus? Quel est le procédé? C'est de se faire, tout simplement, de se laisser aller à une confiance, mais qui n'est même pas une confiance, moi, ça peut être trop astral, mais c'est d'être intuitif, d'être soi-même, finalement. De se laisser aller une expérience? Parce que c'est encore délicat de se laisser aller une expérience, parce qu'il peut y avoir tellement de coloration. Oui, mais l'idée, c'est qu'on ne doit croire à rien. Non, c'est vrai. C'est extrêmement facile. La seule chose qu'il y a, c'est que l'humain ne peut faire ce travail. Il faut comprendre une chose, c'est que plus l'humain évolue, plus les choses deviennent apparemment compliquées, uniquement parce qu'au lieu d'être assujetti aux archétypes qui, normalement, font que tu peux facilement devenir une magicienne, un magicien, un homme ou une femme nouvelle, dans l'apparence, l'humain ne peut, lorsqu'il est évolué, parvenir à cela uniquement que s'il a de l'intelligence. Il ne peut développer son intelligence que s'il tend à exprimer son intelligence. Et il ne peut tendre à exprimer son intelligence que s'il s'autorise à instruire son ego, à se supporter lui-même face à ce qu'il est. Donc, nécessairement, cela veut dire que s'il est transparent à lui-même. Transparent veut dire qu'il sera capable de laisser voir à l'ego exactement de quelle façon il est. Et cela veut dire qu'il laisse couler l'énergie facilement sans qu'il ait à résister pour. Autrement dit, il ne dit pas « Moi, je veux que Dieu vienne, mais à la condition que Dieu ne le dise pas à ma femme. » Comme les individus, souvent, qui veulent évoluer, mais qui, en même temps, se disent toujours « Je dois m'ajuster. » Pourquoi? Parce que, oui, mais tu sais, si tout le monde commence à savoir que je suis évolué, ou que je parle d'ésotérisme, ou que ceci, ou que cela, c'est un gros problème, pour la simple raison que l'humain ne pourra jamais s'en sortir. Il sera toujours frustré. Une personne qui se dit « Ben moi, quand je vais voir ma famille, je ne leur parle jamais de ce que je fais. » C'est correct. La personne subitement déménage six mois dans sa famille, et elle se dit « Jamais je leur en parlerai. » Probablement que ces six mois-là, elle n'avancera pas non plus. Elle va avancer au même rythme que l'humanité. Alors qu'elle devrait, on ne parle pas de convertir. Mais on parle d'un langage. Alors un langage, par exemple, vous sortez des mots. Il y a un langage qu'on développe et on ne doit pas changer de langue uniquement parce qu'on change de peuple, si on parle de certaines choses. Quand je parle de langue, je parle de langage de conscience. Exactement comme si je vous dis, vous ne pouvez pas dire lorsqu'il est messieurs, vous ne pouvez pas dire lorsqu'il y a des femmes que oui, vous êtes pour que la femme puisse arriver à être ce qu'elle a à être. On pourrait dire être égal à l'homme, mais c'est pas ça. Pour, devant des hommes, dire, ah ben non, et la femme est bien mieux dans sa cuisine. Là, on va dire, ah, je me suis ajusté. C'est que toute l'énergie qu'on communique, c'est une énergie qui vient nous hanter, qui nous restructure. Donc, on se nuit. C'est comme si on allait de temps en temps dans une secte qui va nous convaincre que la femme elle doit être en bas, et après, on va dans une secte qui nous doit nous convaincre que la femme doit être légale. Alors, pendant ce temps-là, on n'en sort pas. Alors, je suis dans un bureau d'hommes où je n'en parle pas, mais dans ma tête, c'est bien clair qu'ils sont à côté du bon chemin. Ou, si on me demande mon opinion, bien, je leur donne mon opinion. Moi, je suis contre ce que vous dites. Bien, ils vont tous se mettre à vouloir jaser. C'est le temps parfait pour se réchauffer. L'individu qui parvient à ce résultat-là de pouvoir être lui-même, peu importe où il est, on dit qu'il se centre sur lui-même. Est-ce que c'est la même chose que de se réincarner? C'est-à-dire que il y a des choses intéressantes dans ta question que tu n'as peut-être pas posées là. Que tu as peut-être posées. Le processus réincarnationnel le plus débile est celui où on réincarne les mémoires du passé. On est approximativement chacun constitué de 30 millions de personnalités réincarnatives que plusieurs ont déjà fusionné entre elles. À un moment donné, on commence à réincarner des mémoires de l'avenir. Le grand processus de blocage du vieillissement, c'est lorsqu'on recommence à avoir la capacité de récupérer chez nos enfants, de récupérer chez nos amis plus jeunes, c'est par imprégnation surtout que cela va se faire, c'est lorsque l'on commence à avoir la capacité de réincarner nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, je réincarne ce que j'étais à 20 ans, je réincarne ce que j'étais à 15 ans. Je réincarne ces mémoires du passé qui sont intimement liées à ce que je fus dans cette vie. Autrement dit, c'est que je permets énergétiquement la renaissance de ce que j'étais comme enfant. Alors, je n'essaie pas et c'est ce que plusieurs adultes font à un moment donné, c'est qu'ils vont voler ce n'est pas grave. Ils vont voler la jeunesse de d'autres enfants, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de se tenir avec des enfants, non pas parce qu'ils sont jeunes. C'est normal, quand on est jeune, qu'on joue avec des gens au niveau de la conscience du même âge que nous. Je ne parle pas physiquement. Et plus souvent qu'autrement, ils seront plus jeunes aussi. Mais il y en a des personnes qui vont simplement têter les jeunes dans le but de ramasser de leur jeunesse pour la réincarner chez elles, pour se rajeunir. Nécessairement, le rajeunissement commence au niveau du plan astral. Il va progressivement aller au plan vital. Et si l'individu resterait réellement honnête, régulier dans son aspiration de jeunesse, elle finirait par engendrer un rajeunissement au niveau du corps physique. Mais ce qui arrive, je l'ai déjà expliqué, c'est que votre problème, et le problème que vous causez à vos enfants, c'est que vous, en tant que mémoire, vous réincarnez dans vos enfants. Alors, on peut dire, vous avez un fils, et votre fils agit à 15 ans exactement comme le bonhomme agissait à 15 ans, surtout. Et on pourra constater que vous avez une fille, votre fille est là 18, 19, 20, 25, 30 ans, elle agit exactement comme vous, au même âge qu'elle. Elle fera des choses un peu différentes, parce que le milieu est différent, mais on parle de caractère. Alors, ce qui arrive, c'est que, par exemple, on prend l'homme. L'homme, à 20 ans, moi je suis rendu à, par exemple, une trentaine d'années physiques, à 30 ans, normalement, ce que j'étais à 20 ans se réincarnera dans certains individus qui ont 20 ans, en l'occurrence, mes enfants. Ce que moi, je vivais à 20 ans, il y a des parties qui vont s'incarner. Sauf si moi, j'ai la capacité de me réincarner. Alors là, mes enfants n'auront pas à supporter ce que j'étais à 20 ans. Mais comment faire pour te réincarner avec les enfants? Parce que tu vas têter de leur énergie. Tu vas têter donc c'est quand même une forme de mémoire reliée à ce que tu étais par le passé. Oui. Mais automatiquement, c'est aussi tes parents qui étaient là aussi à 20 ans. Oui. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il faut faire attention. Premièrement, on doit purger. Moi, si je dis réincarner ce que j'étais à 20 ans, ou ce que j'étais à 15 ans, ou ce que j'étais à 10 ans, du point de vue de ma conscience, nécessairement, cela exclut tout ce que mes parents ont pu s'incarner chez moi. Je ne réincarnerai pas mes parents. Mm-hmm. Mes parents, ils m'habitent encore. Mon père, à 30 ans, a tenté de s'incarner chez moi à 30 ans. Il n'a pas réussi. Et moi, je vais progressivement réincarner ce que moi, j'étais. Si c'est ce que moi, j'étais, nécessairement, je ne peux pas réincarner en même temps ce que mon père était. Mm-hmm. Par exemple, toi, tu vas réincarner à 30 ans, ce que tu étais à 20 ans. Mais en même temps, à 20 ans, tu agissais peut-être comme certains de tes ancêtres, comme ta mère, dans certaines caractéristiques. Maintenant, comme il y a certains jeunes qui, tout au long de leur jeunesse, n'ont jamais réincarné leurs parents, donc ils ont toujours été un peu le mouton blanc de la famille. La famille dit le mouton noir, évidemment, mais le mouton blanc. Et parce que ces individus n'ont pas réincarné, ce sera nécessairement beaucoup plus facile. Mais ce que l'on doit faire à un moment donné, c'est qu'on doit, quand on parle de rajeunir, c'est qu'on doit revenir à ce que nous étions lorsqu'on avait 40 ans, lorsqu'on avait 30 ans, lorsqu'on avait 20 ans, lorsqu'on avait 10 ans, etc. Et ce qui va arriver, c'est que vous allez progressivement mourir en tant qu'adulte. Un adulte, c'est uniquement le ramassis inconscient ou conscient de toutes les réincarnations du passé sans fusionnement. Ce que vous devez devenir, et un enfant, c'est quoi? Un enfant, c'est libre, ça n'a pas accumulé encore. L'enfant, c'est l'expérience planétaire dans l'instantané, dans l'immédiat. Ce que l'humain doit devenir, c'est un enfant qui a de l'expérience, et non pas un adulte. L'adulte, lui, peut avoir de l'expérience aussi, mais en même temps, il est totalement stéréotypé par tout ce qui le constitue. Alors qu'un enfant qui a de l'expérience est encore capable de jouer, encore capable de rire, encore capable de faire des farces, encore capable de faire des bons, mauvais coups. Il est écologique, il est conséquentiel parce qu'il a maintenant une conscience. Il a de l'expérience, cela veut dire qu'il sera capable de se trouver un emploi, il sera capable de gérer de l'argent. Il ne dépensera pas comme un enfant qui, lui, n'a pas d'expérience et qui, trop souvent, n'a pas développé encore sa conscience. Il est en train de développer la conscience, sauf que, trop souvent, l'enfant, lui, qui manque de conscience, va remplacer la conscience qui devrait se développer par la conscience mémorielle qui sera l'expérience. Et progressivement, il va accepter l'expérience de tous les adultes qui vont vouloir s'incarner chez lui, plus souvent qu'autrement en puissance ses parents, et il devient un adulte. Il devient une personne ridée, une personne qui n'est plus capable de discerner quand c'est drôle, quand ce ne l'est pas. Alors on fait une farce, puis c'est une farce plate. Pourquoi? Parce qu'on parlait de ton ego. Plus capable de rire d'un individu, on n'est plus capable de tirer la pipe, on n'est plus capable de se plaire de plusieurs choses. Alors, comme je disais à un moment donné, est-ce qu'un adulte va subitement recommencer à goûter la pluie qui tombe? Peut-être qu'il va trouver que c'est acide. Mais un adulte, normalement, ne le fait pas. Un enfant qui a de l'expérience, donc un enfant qu'on pense que c'est un adulte, c'est pas un adulte. Il est capable d'être un enfant, mais il est capable d'agir comme un adulte. Il peut conduire une automobile, peut-être très, très, très écologique. Il a de l'expérience. Prenez un enfant qui arrive à l'âge de 12 ans et qui, à partir de là, ne vieillit plus. Ça fait 250 ans qu'il vit. Je peux vous en montrer, à vous, les adultes. Mais ils sont encore en train de faire ses stepettes quand il va courir dans la rue. C'est un enfant qui a de l'expérience. Donc, on ne doit pas... Tu sais, j'ai assez hâte que tu deviennes un adulte, là, puis tu es déjà encore comme un enfant. Ça, c'est des compliments, ça, quand tu es encore comme un enfant. Mais pour l'adulte, c'est une agression. L'adulte essaie d'agresser un autre adulte. Il y a énormément, énormément de petites choses comme ça qui finissent par détruire la jeune fille ou le jeune garçon pour bon. À un moment donné, l'humain réincarne le passé. À un moment donné, il réincarne l'avenir. Et il va de plus en plus se centrer dans son intelligence lorsqu'il va avoir la capacité de se réincarner lui-même. Quand on parle de se réincarner, cela veut dire nécessairement de se digérer dans la réincarnation. Donc, une fois que tu te réincarnes lorsque tu avais 8 ans, il n'y a plus personne qui peut te réincarner lorsque tu avais 8 ans. Alors, par exemple, toi, tu as un garçon, il va réincarner un peu de ce côté, mais c'est surtout son père qu'il va réincarner. Et si son père se réincarne lui-même, l'enfant devient autonome, libre. Il sera pris avec des vestiges du passé comme ses ancêtres, mais les plus puissantes réincarnations manipulatrices sont celles des parents. Si le parent s'auto-réincarne lui-même, automatiquement, l'enfant devient beaucoup plus beau énergétiquement. Il est plus près du dragon. Tu parlais de se réincarner soi-même tantôt, bon, par rapport à des mémoires du passé, mais celles des mémoires de l'avenir. Comment peut-on se... Parce que j'ai une perception qu'on peut se réincarner aussi soi-même, même par des mémoires de l'avenir, qui sont quand même au présent. Mais là, c'est un petit peu... Je comprends aussi que l'ego ne doit pas être présent pour se réincarner soi-même. Ou mais non, c'est quand tu réincarnes des mémoires astrales. Exactement. Mais donc, les mémoires de l'avenir, comment, elles, on peut les réincarner? C'est extrêmement facile, mais encore une fois, ça procède de la magie. Mm-hmm. C'est-à-dire, on ne parle pas de faire des recettes. Ça procède de ce qui n'est pas cartésien. Ça procède de l'intuition. Lorsque l'humain essaie d'envisager... Mais là, je vais l'expliquer, mais c'est exactement comme si j'explique comment on rencontre une entité moronciel dans le bois. Comment dit tout ce que je dis, c'est pas ça. Mais c'est contenu dans ce que je dis. OK? Bon. L'être humain qui réincarne son avenir, c'est un être humain qui doit avoir la capacité de comprendre ce que lui va être dans l'avenir. Nécessairement, en comprenant ce que lui va être dans l'avenir, il va utopiser ce qu'il va être dans l'avenir s'il est un être humain à conscience, ascensionnel. Utopisant ce qu'il va être dans l'avenir, nécessairement, il va déjà l'incorporer chez lui. Sauf si, je reviens encore, si l'humain se cristalliserait la forme, il se dirait, bon, ben dans 20 ans, je vais être bon. Ce qui fait que j'ai 20 ans pour niaiser, tu sais. Et il réincarnera rien. Puis nécessairement, ben dans 20 ans, il ne sera pas meilleur. Pourquoi? Parce qu'il n'aura rien fait. Pour réincarner ce que nous sommes dans l'avenir, de façon à être... Parce que quelqu'un, un être humain qui est centré sur lui-même, c'est un être humain qui a centré le temps. Mm-hmm. Ce qui fait qu'il ne change plus. Mais c'est ça, comme là, que tu parlais par rapport à l'avenir. Mais là, je me dis plutôt que si tu réincarnes de l'avenir, qui fait partie finalement du présent totalement, ton attitude change. Donc, elle ne fait plus partie ni du passé, ni du présent, ni de l'avenir. Mais ça apporte un comportement qui n'est peut-être... C'est là où ça me semble un peu abstrait, c'est que ça, selon moi, ce n'est plus un humain planétaire, c'est quelqu'un d'autre. Mais on revient aux magiciens, guerriers et chevaliers. Mais oui, c'est ça. Mais ces personnages-là, est-ce qu'ils vont rester sur la Terre? Tu verras. Parce que ce sont des questions qui sont inutiles. Oui. C'est souvent des questions d'ego. L'ego se dit, oui, mais si ces gens-là, c'est des gens qui ne resteront pas sur la Terre, mais j'ai hâte en maudit. Mais en même temps, tant que je suis là, ça veut dire que je ne l'ai pas. Et maintenant, les pièges que l'ego donne à la conscience, tu l'es peut-être, mais parce que tu es sur la Terre, tu considères que tu ne l'es pas? Mais au niveau de la perception, on peut savoir si on l'est ou non. Oui. Au niveau de l'ego, ça ne peut pas piéger. L'ego peut piéger autre chose au niveau planétaire, mais pas au niveau de la conscience. Ça dépend de la conscience. Oui, OK. De la puissance avec laquelle la conscience s'imprime dedans le corps, dans le système neuronique. Mais... Ce sont des questions qui ne sont pas à poser pour la simple raison que l'humain ne connaît absolument pas ce qui vient du point de vue de la mécanique. L'humain, quand on parle de réincarnation, c'est la conscience que l'on réincarne dans l'avenir. Puis quand on parle d'évolution, c'est uniquement une question d'énergie. Donc, l'humain va dire, par exemple, oui, mais si j'évolue, là, dans 2000 ans, est-ce que j'aurai la capacité de traverser les murs? Puis là, un grand bonhomme qui vient de l'avenir vous dit non, tu n'auras pas la capacité de traverser les murs. Alors la personne est toute frustrée. Peut-être parce qu'il n'y aura pas de mur en l'an 2000. Peut-être parce qu'il n'y aura plus de maison, tu n'auras jamais froid, tu n'auras jamais faim, peut-être. Tu sais, non, mais la personne est toute frustrée, toute déçue. Ah, Christy, j'aurais voulu traverser les murs. Alors, il faut faire bien attention parce qu'on ne peut pas vouloir. Dans la forme, on doit utopiser des résultats. Mais on ne doit jamais s'attacher à la forme. OK. Mais je ne m'attache pas à la forme. La question, elle a été posée comme ça, mais c'est beaucoup plus. Il y a quelque chose énergétiquement que je peux percevoir par rapport à tout ça. Puis quand je sors du plan planétaire, ou peu importe, je ne veux pas savoir si cette personne-là, finalement, va être sur la Terre ou non. Ce qui est plutôt présent, c'est de dire la conscience de cette personne-là chemine autre ailleurs que sur la Terre. Mais même si elle est là, c'est sans importance. Bon, ben ça, c'est évident. Mais cette personne-là aura nécessairement des contacts très concrets avec des mécaniques extraterrestres. Elle aura des contacts extrêmement concrets avec tout ce qui procède de l'Agartha et de Shambhala. Elle aura des contacts extrêmement concrets avec des mécaniques de gestion du temps. Elle aura des contacts avec, par transport séraphique, avec d'autres mondes, d'autres créations, d'autres univers. Elle sera capable, dans sa conscience, d'englober toutes les dimensions de la création. Elle habitera différents mondes en même temps. Est-ce que l'humain fait déjà un peu? L'humain habite l'imaginaire puis la Terre. Bon, OK, mais quand même, l'humain habite quand même deux mondes. Mais ce personnage-là aura des véhicules qui lui permettront de cristalliser ou de conscientiser dans l'expérience différents autres mondes. Et encore une fois, je parle en langage d'oiseau. C'est-à-dire que je parle toujours en langage limité. C'est comme de dire, expliquez-moi comment grand est l'infini. Ben, c'est ça. Si je dis l'infini, ça n'a pas de limite. Ben, pour la majorité des humains, là, ils vont dire, ah, OK. Et c'est grand, maudit. Donc, il y a une limite. Ils viennent de dire, c'est grand, maudit. C'est pas grand du tout. Mais pour l'humain, ça va. C'est de la forme. La forme, elle est utile parce que, je répète encore, c'est que quand on prend un concept, tu dis le dragon, certains peuvent appeler ça Dieu, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on prend, il y a de l'énergie qui est de l'eau. Il y a de l'eau ici. Alors, amène l'eau chez vous. Tu peux pas. Alors, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu crées un contenant. Dans le contenant, tu mets de l'énergie. Et là, tu dis, oui, mais moi, c'est l'eau qui m'intéresse. C'est vrai. Voici le contenant. C'est le concept, c'est la forme. C'est Dieu, c'est le dragon, c'est le Deutérix, c'est n'importe quoi. La science n'aimera pas ça. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut mesurer et photographier le concept. Surtout que la science ne peut pas non plus en faire des copies. Ça doit germer chez l'humain. Mais en science, tu vois la même chose. Albert Einstein, quand il a amené plus de ses concepts, ça a pris des générations avant que les gens puissent parvenir à jouer avec les concepts d'Einstein, les comprendre, de comprendre ce que ça voulait dire, puis de pouvoir continuer à s'amuser. Il y a Fermi, il y en a plusieurs qui ont réussi à s'amuser un peu avec Rutherford, puis quelques autres. Mais la majorité, non. Maintenant que j'ai le concept, qu'est-ce que la majorité des spiritualistes font? Ils disent, bon, il faut boire de l'eau. Ils essaient de boire. Ben, il y a un petit peu d'eau, c'est de la condensation sur le verre. Puis ils se disent, tu sais, ça fonctionne, mais c'est vraiment, c'est décevant. C'est pas long, tu te dis, tu sais, c'est toute la foutaise. Non, il y a une façon, Si tu veux, par exemple, mettre l'eau là, tu peux briser le concept. En brisant le concept, toute l'eau va à la bonne place. Mais, nécessairement, il n'y a plus de concept. Tu peux en recréer un. Si vous êtes capable, si vous apprenez à jouer avec la forme, il n'y aura pas de problème. Mais on peut aussi transformer un concept, un verre comme ça ici. Pour contenir de l'eau, ça doit être comme ça. Mais pour verser l'eau, il doit être comme ça. Sauf que ce n'est plus tout à fait le même concept. Alors l'humain se dit, oui, mais regarde, ça ne verse pas. Change ton concept. Oui, mais c'était peur, hein? Parce que essaye de transporter de l'eau là, comme ça. Ouais, c'est bien compliqué. Tu sais, c'est le même concept. Point de vue différent. Alors, c'est la même chose. On parle de concept chevalier, on parle de concept de n'importe quoi. C'est tout bon. Ça permet de transporter de l'énergie. La journée, c'est le temps que cette énergie-là serve à réchauffer une conversation, à augmenter une énergification, à faire pousser une plante, à créer quelque chose, à préserver la vie de ton corps physique ou des choses dans le genre. Là, c'est le temps qu'on bouge le concept. Mais le concept est une forme. Donc, on peut pas dire, oui, mais gars, là, maintenant, t'as tout changé, là. Ça veut dire que c'était pas vrai. C'est pas plus vrai qu'un verre. Ça a une utilité. Personne n'a jamais dit que le concept était vrai. Le concept est un contenant. En tant que contenant, il est vrai. En tant que concept, c'est un vrai concept. Bien sûr. L'illusion, c'est une réalité. Mais lorsque l'individu s'attache uniquement à la forme ici, puis il dit la valeur de ce concept, c'est ce qu'il y a dedans, comme les religions le font, jamais tu te serviras de ce qu'il y a dedans. Il faut pas. Tu as déjà parlé de faisceaux extraterrestres, parce qu'on parlait des. J'ai souvent entendu parler des 12 faisceaux, puis tu as commencé à un moment donné à parler de faisceaux extraterrestres. Est-ce que c'est relié aussi à ce qu'on peut parler, par exemple, au niveau des différentes forces? On va faire une pause, puis on va en reparler. Parfait. Ça va être trop long.